Chapitre 37. Des pensées de ce que l'on aime et des bonnes choses. Allah Ta'ala dit: vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Sourate 3, verset 92. Ô les croyants, dépensez des meilleures choses que vous avez gagnées et des récoltes que nous avons fait sortir de la terre pour vous. Et ne vous tournez pas vers ce qui est vil pour en faire dépense. Sourate 2, verset 267. 297. Anas radiyallahu anhu rapporte: Abu Talha radiyallahu anhu était celui des Ansar qui possédait le plus de palmiers à Médine. La palmeraie qu'il aimait le plus se nommait Bayraha et se trouvait en face de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce dernier, alayhi salatu wa sallam, avait l'habitude d'y entrer et de boire de son eau qui était bonne. Anas radiyallahu anhu poursuivit: lorsque fut révélé ce verset, vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez, Abu Talha se rendit auprès du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam et lui dit: ô messager d'Allah, Allah Ta'ala t'a révélé, vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Et le bien que je chéris le plus est Bayraha. Je la donne donc en aumône pour Allah Ta'ala, dans l'espoir d'en être récompensé et qu'elle me soit utile auprès d'Allah Ta'ala. Fais-en usage, ô messager d'Allah, selon ce qu'Allah te prescrira. Admiratif, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, s'exclama: voilà un bien qui rapporte. Voilà un bien qui rapporte. J'ai bien entendu ce que tu as dit, mais je te recommande plutôt de l'offrir à tes proches. Abu Talha dit: je le ferai, ô messager d'Allah. Et il la partagea entre ses proches parents et ses cousins. Al-Bukhari et Muslim.